FrenchPod.com. C'est prêt. Génial, je meurs de faim. Voilà, j'ai préparé des escargots. C'est une recette locale. C'est délicieux. Alors, ensuite, j'ai cuisiné une sole meunière. Encore un plat ? Bien sûr que oui. Avant, c'était l'entrée.